Amen. Oui. Oh, bien, bien, bien. souffle ça comme une bouée. Pour la santé comme une bouée. Pour respiration comme une bouée. Jésus comme une bouée. Amen. Ouais, pas à qui. Premier. que soit côté. Levez-moi, remerciez mon Dieu. Quel que soit côté. Sous ce sous doué, mon Dieu, assoya. Parlez de bouche fermée. Levez-moi la prière. Amen. Levez-moi la prière. Quel que soit côté dans salle là. Sous pas ingrat. Sous reconnaissant. Dis mon Dieu merci. Dis mon Dieu merci. Dis mon Dieu merci. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ. Maintenant approchez de votre nom. Avec un cœur qui reconnaissant. Nous vivons tout merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour l'air et le mouvement. Merci pour la restauration. Merci pour la respiration. Seigneur, sois là. Salve chez le camp et le vide, remercie. Depuis le commencement, on t'a mis ça. Pasteur Malory de camp et le dit. N'a pas avant corona. N'a pas après maladie. Nous tout à plat, pas manquer une de nous. Et on kebe promesse avec nous. Ou pas quitter, alléluia. Nous chantons tellement pour l'année ça. Ou pas quitter, alléluia. Nous dansons les mains secrètes pour l'année ça. Ou pas quitter, alléluia. La vie finit mal pour l'année ça. Ou pas quitter, alléluia. La vie échoue pour l'année ça. Ou pas quitter, alléluia. La vie gaspille pour l'année ça. C'est vrai, maladie a frappé contre nous. C'est vrai, les saccagés voisinage nous. C'est vrai, les passés dans mes temps nous. Mais puisque parole ou relatée vous le celui qui demeure sous l'abri du travail repose à l'homme du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Les maladies approchées, puisque la caille nous remplit avec sans Christ. Lui pas qu'à toucher nous, puisque caille nous, t'es sans Christ sous lui. Lui pas qu'à faire nous rien. Amen, oui. Et pendant l'année, ça c'est mieux. Que mon qui l'a, qui réalise, c'est ma docteur non, qui fait envie, c'est grâce à vous. C'est pas parce que il prend précaution non qui fait envie, mais c'est grâce à vous. C'est pas parce que il respecte tout le monde donne non qui fait envie, mais c'est grâce à vous. Amen. Oui, frappez-moi, dit c'est grâce à vous, Seigneur. Frappez-moi, dit c'est grâce à vous, Seigneur. Frappez-moi, dit c'est grâce à vous, Seigneur. Frappez-moi, dit c'est grâce à vous, Seigneur. Au théâtre, sous ma vie, mes frères. C'est grâce, mon Dieu, sous moi. C'est pas rien faire pour ça. C'est pas rien faire pour ça. C'est pas rien faire pour ça. C'est pas parce que je suis fidèle, mais c'est parce qu'on voulait faire grâce. C'est pas parce que je suis bien servi. C'est parce qu'on voulait faire grâce. C'est pas parce que je n'ai pas péché contre vous. Mais c'est parce qu'on voulait faire grâce. D'ailleurs, sous ta carte, sous erreur, nous. Ou pas ta foyer pour nous. Sous ta carte, sous faute, nous. Ou pas ta foyer pour nous. Sous ta carte, sous iniquité, nous. Ou pas ta foyer pour nous. Sous ta carte, sous façon de servir. Ou pas ta amen, oui. Ou pas ta foyer pour nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ou miséricorde. Ou compatissant. Ou lent à la colère. Ou riche en bonté. Ou pas contester sans cesse. Ou pas garder colère pour toujours. Ou pas prêter selon péché mieux. Ou pas punir selon iniquité mieux. Est-ce que vous avez la prière? Est-ce que vous avez trois mounes? Est-ce que vous avez quatre mounes? Cap la prière avec ma soeur. Ou pas punir selon péché mieux. Ou pas punir selon iniquité mieux. Mais autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant s'éloigne de nous de transgression. Même Jean Papa, qui a compassion pour vitiner, ou qui a compassion pour vous qui est créatif pour assoir à sérieux. Nous t'aigras, c'est pas ta tout merci. Nous t'aigras, c'est pas ta glorifier. Nous t'aigras, c'est pas ta chanter pour. Nous t'aigras, c'est pas ta bonne gloire. Nous t'aigras, c'est pas ta tout merci. Alistair, 10.7 ça yo, il te lève c'est mieux. Lors des vies de Rio, il tout y est allé. Mais il y a un qui casse cette tune. Vous venez tout merci. Mais assoyez assez. Ça les chaînes campées. Vous tout merci. Non les débats ça. Pendant 12 parties, n'a passé l'ordre à ennemi. Ou pas quitter ennemi en dévoré nous. Ou pas quitter nous perdit bataille là. Ou pas quitter la vie nous gaspille. Ou pas quitter la vie nous échoue. Ou pas quitter l'ennemi en fait avec nous. Ou toujours camper pour nous. Les nous en bataille. Ou toujours camper pour nous. Les pas capable. Ou toujours camper pour nous. Les sentir seul. Ou toujours camper pour nous. Les sans secours. Ou toujours camper pour nous. Les pas de personne. Ou toujours camper pour nous. Les pas de famille. Les pas de amis. Les ennemis en déchaîné. Les ennemis en voulant finir avec nous. Les ennemis en sauté. Ou déchoué nous. Les ennemis en sauté. Ou finir avec la vie nous. Ou toujours camper. Ou toujours là, ou pas jamais pas là, ou pas jamais abandonner nous. Oh mon Dieu, à cela nous a campé. Ou dit oui, ou sont mon Dieu fidèle, ou sont mon Dieu fidèle. Frère mon Dieu, c'est un fidèle. Frère mon Dieu fidèle. Frère mon Dieu fidèle. Les fidèles, les fidèles, les fidèles, les fidèles. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Yahweh est fidèle. Oh, les fidèles, monsieur. Jésus fidèle. Jésus fidèle. Jésus fidèle. Jésus fidèle, ne teste pas ta fidélité. Des mots qui vont dans la soirée. Ne teste pas ta fidélité. Des mots qui t'a passé déjà. Ne teste pas ta fidélité. Des jeunes garçons t'ont gaspillé. Ne teste pas ta fidélité. Sale péché dans la carambe. Ne teste pas ta fidélité. Quand pasteur Malou taillé. Ne teste pas ta fidélité. Quand Saint Michel et Laurent taillé. Ne teste pas ta fidélité. Ne teste pas ta fidélité. Ne teste pas ta fidélité. Ne teste pas ta fidélité. Ne teste pas ta fidélité. Frappez-moi, remerciez-le. Frappez-moi, glorifiez-le. Frappez-moi, exaltez-le. Frappez-moi, balcouvrez-moi. Ne teste pas ta fidélité. Quand famille taille. Ne teste pas ta fidélité. Quand madame taille. Ne teste pas ta fidélité. Quand si vous taille. Ne teste pas ta fidélité. Quand mon foyer taille. Ne teste pas ta fidélité. Quand mon mariage taille. Ne teste pas ta fidélité. Quand mon église taille. Ne teste pas la fidélité. Oh! Ne teste pas ta fidélité. Revenez là. Oh, amen. Levez-moi. Levez-moi. Levez-moi. Oh, ne teste pas la fidélité de Dieu. Ne teste pas la fidélité. Ne teste pas la fidélité de Dieu. Levez mon fauteuil. Sous quoi ça le monde? Non, pour un montage. Levez-moi, Ah, l'honneur, j'ai ça. qui campe devant l'homme. Il va vivre au Dieu, mon Dieu. Pour qui ça, pour qui ça va prier. Il va vivre au Dieu, mon Dieu. Priez, portez, portez, portez, portez. Vous voulez mettre si vous voulez, mettre si vous voulez. guéri moi, va guérir, ou va lever, dis au mot, dis au mot, amen, moi va guérir, va your Lord, monsieur, comment c'est pas sur l'autre pouvoir soyez là. Amen. tout seul là. Quand vous dites que l'on en là. Quand vous dites que personne là. Levez mon bureau. Le dit Seigneur, Kembem, défends-moi, Kembem, défends-moi, frappez mon crié, Kembem, défends-moi, Kembem, défends-moi, frappez mon la prière, frappez mon la prière, frappez mon la prière, Seigneur, mes peuples là encore, nous rapprocher devant toi, non, nous sommes chantés, Kembem, défends-moi, des gens qui la Seigneur, qui ont travé, des gens qui la Seigneur, qui n'ont pas de personne, des gens qui la Seigneur, non, fait aléa. Il n'y a pas remonté, il n'y a pas redescendre, il n'y a pas qu'on a qui crié, il n'y a pas qu'on a qui relé, il y a qui l'a saigné, pendant fin année, qui chit en côté, il y a qui l'a saigné, pendant fin année, ennemi en marée, ennemi enchaîné, ennemi en mettre le chita, ennemi en alléluia, détruit la ville, ennemi en amenoui, détruit foyer, ennemi en déjoué, ennemi en finale, à square, il n'y a pas personne. Pour le relever, il n'y a qu'une personne pour le crier bail, il n'y a qu'une personne dans ses alliés qui a retiré dans sa liée, il n'y a qu'une personne non qui a défendu dans sa liée, il n'y a qu'une personne non qui a agi pour lui dans sa liée. Levez mon crier, c'est à Kembem, défends-moi, Kembem, défends-moi, Kembem, défends-moi, Kembem, défends-moi, Kembem, défends-moi, que mon Dieu Kembem à soi, que le défendre à soi, que le ciel défend nous, défends-moi, défends-moi. Défends-moi, n'en fais rien de ça, c'est un défends-moi, n'en fais rien de ça, c'est un défends-moi, n'en fais rien de ça, c'est un défends-moi, n'en fais rien de ça, c'est un défends-moi, défends-moi, défends-moi, défends-moi, défends-moi, défends-moi, défends-moi, défends-moi, défends-moi, défends-moi, frappez-moi la prière, frappez-moi la prière, frappez-moi la prière, frappez-moi la prière, frappez-moi la prière, frappez-moi la prière, frappez-moi la prière, mais si vous voulez, vous pouvez guérir, si vous voulez, vous pouvez délivrer, si vous voulez, vous pouvez libérer, en vérité à soi, moi je crois que vous qui là, dans les débats, que vous l'offrez guérir, que vous l'offrez délivrer, que vous l'offrez libérer, que vous l'offrez transformer, que vous l'offrez restaurer, que vous la servir, ouvrez, moi quoi ouvrez, c'est quoi ouvrez. Ouvrez le déjà de fils ça, ouvrez le déjà de garçon ça, ouvrez sécher de l'eau ça, ouvrez guérir maladie ça, c'est enlevé, et ça fait à soi, nous m'en donnons le nom de Jésus, passons l'autre, c'est passé maladie ça l'autre, c'est passé ennemi en l'autre, c'est passons l'autre pour moi, on l'a de mon visible, passons l'autre. Côté à faire réunion, passons l'ordre, côté au bas de l'OM, non, passons l'ordre, côté à critiquer, non, passons l'ordre, côté au camp de contre nous, passons l'ordre, côté à vendre à nous, passons l'ordre, côté au bas de l'OM, passons l'ordre, frappez-moi du CR, passons l'ordre, CR, passons l'ordre, frappez-moi jeune fille, frappez-moi jeune garçon, déclarez par ça, CR, passons l'ordre, CR, passons l'ordre, passons l'ordre pour foyer, CR, passons l'ordre, pour foyer, CR, passons l'ordre. Vous si vous dites, c'est pas son lot, non fait de ça, c'est pas son lot, le dernier m'a dit ça, c'est pas son lot, pas son lot, non m'a dit ça, pas son lot, le dossier immigration ça, pas son lot, le dossier m'a caché de papier ça, pas son lot, le léger. Frappez-moi, crier Jésus, frappez-moi, le Jésus, frappez-moi, le Jésus, frappez-moi, le Jésus, frappez-moi, le Jésus, il y a un autre pas un plan en fer, il y a un autre pas un plan en fer, non, ça va libérer, non, ça va délivrer, non, ça va passer ce qu'elle, non, ça va les roches, non, ça va délivrer, non, ça va guérir maladie, à souhait, que Jésus rentre dans le dossier là, que le rentre dans le charge là, que le rentre dans la calamité là, que le rentre dans la traverse là, que le rentre, que le rentre, que le rentre, que le rentre. Assoyez à CR, pour nous défendre nous, nous m'en donnons le nom de Jésus. Non seulement c'est pour défendre nous, mais c'est pour défendre nous. Amen fort et embrasser dans Dieu. Frappez-moi de déclarer ça. Amen fort et embrasser dans Dieu. Défendre nous. Amen fort et embrasser dans Dieu. Rentrez dans le dossier. Amen fort et embrasser dans Dieu. Grâce à ce que ça. Amen fort et embrasser dans Dieu. Guérir maladie ça. Amen fort et embrasser dans Dieu. Défendre nous devant les miens. Amen fort et embrasser dans Dieu. Défendre nous devant vous qui m'avez ouvert nous. Amen fort et embrasser dans Dieu. Frappez mon crier. Amen fort et embrasser dans Dieu. Défendre moi devant les miens. Amen fort et embrasser dans Dieu. devant moi, devant un bio, à mes forts et à ma senti, que même, pendant la messa, à mes forts et à ma senti, que même, dernier matissa, à mes forts et à ma senti, levez-moi et les chaises. Levez-moi. Non seulement mon Dieu a agi pour vous, mais l'a agi à mes forts. Oh, alléluia. Et abrasez tout. Car c'est Dieu qui décide. Amen. Et qui dirige les combats. Levez-moi. Levez-moi. Sous quoi mon Dieu a défendu nous, levez-moi. Oh, là, mais on laisse aller d'ici, il n'y a pas de personne. Là, mais on laisse aller d'ici, il n'y a pas de. Là, mais on laisse aller d'ici, il n'y a pas de bataille pour moi. Là, mais on laisse aller d'ici, il n'y a pas de personne. Côté mon qui n'y a pas de personne, levez-moi. Côté mon qui sent le seul, levez-moi. Côté mon fin année ça. Fin année ça. Fin année ça, parcourir à gauche ni à droite, levez-moi. Levez-moi. Levez-moi. Levez-moi. Levez-moi. Ramassez force sous. Vous pouvez le faire cri ça. Vous pouvez le faire cri ça. Vous pouvez le faire cri ça. Vous pouvez le faire cri ça. Oh, alléluia. Vous pouvez crier, Seigneur, Kembim, défends-moi. Est-ce que l'église est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour faire prier ça? Est-ce qu'on est prêt pour faire prier ça? Vous pouvez dire, Seigneur, Kembim, défends-moi. Et puis, pendant que vous dites, Seigneur, Kembim, défends-moi. Si c'est foi, vous avez demandé pour le Kembim, défends-moi. Vous dites, Seigneur, Kembim, défends-moi. Seigneur, Kembim, défends-moi. Seigneur, Kembim, défends-moi. Petit point. Si vous l'avez déposé, vous l'avez. Si vous n'avez pas la cité, levez-vous, commencez la prière. Seigneur, Kembim, défends-moi. Frappez-moi, fais prier ça. Frappez-moi la prière. Sans rété. Déclarez ça sans rété. Déclarez sans rété. Déclarez sans rété. Déclarez sans rété. Seigneur, Kembim, défends-moi. Kembim, défends-moi. Kembim, défends-moi. On doit défendre-moi. Défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre petite nous. Kembim, défendre mari nous. Kembim, défendre madame moi. Kembim, défendre petite moi. Kembim, défendre alléluia. Défendre caractère moi. Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Quoi de monde contre la vie? Travez-moi, fais prier ça non. C'est Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Devant ennemi, Kembim, défendre-moi. Devant mon cap parler de mal, Kembim, défendre-moi. Dans réunion, Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Quand mon Dieu dit pas fini, ouais, à guerre. Flammez-moi, fais prier ça non. Quand mon Dieu dit la voix gaspillée quand même non. Flammez-moi, fais prier ça non. Quand mon ennemi, campé à gauche, mais comme à droite, frappez-moi, fais prier ça non. C'est Kembim, défendre-moi. Frappez-moi plus fort. C'est Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Non, fais aller ça. Non, fais aller ça. Non, fais aller ça. Kembim, défendre-moi. Et pas de guerre de maladie. Kembim, défendre-moi. Et pas de guerre d'accident. Kembim, défendre-moi. Et pas de guerre de alléluia. De ça qu'on a dit. Kembim, défendre-moi. Et pas de guerre de complot. Kembim, défendre-moi. Et pas de guerre de hangar. Kembim, défendre-moi. Et pas de guerre de la mémoire. Alléluia. Et pas de guerre de maladie planifiée. Kembim, défendre-moi. Et pas de guerre de ça qui sous d'homme. Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Kembim, Kembim, Kembim, Kembim, Kembim, Kembim, Kembim, Kembim, Kembim, Kembim, Kembim, défendre-moi. Défendre-moi. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia. Levez-moi, levez-moi. Levez-moi. Criez, Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Kembim, défendre-moi. Quand il y a cité nom, Kembim, défendre-moi. Quand il y a marée, Kembim, défendre-moi. Quand il y a chêne, Kembim, défendre-moi. Quand vous t'es planté sous nom, Kembim, défendre-moi. Quand il y a rentré, rate-moi. Kembim, défendre-moi. Quand il y a rentré, soulier. Kembim, défendre-moi. Quand il y a volé sous vêtement, Kembim, défendre-moi. Kembim, Kembim. Kevin, défends-moi. Kevin, brother, yes. Le démon dit, Seigneur, marchez pour un mignon. À mes forts, et à grâce et d'anti. Grâce et à mes forts. Et abrasez ton dit, libérez-moi. À mes forts. Et abrasez ton dit, crassez-vous taillot. À mes forts. Et abrasez ton dit, crassez-vous. avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Mon courir à mon salut, je vis voir. Son amour ne change pas. Oh, juste à ma planche. Oui, je puis croire. Et puis nous avons tous son prix dans la vie. Nous savons que c'est un contexte. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire.